va se déchaîner. Les ghouls et moi, on va mettre le feu et enflammer la scène, personne ne fera mieux. Les ghouls et moi, on bossera sans trêve pour que la réalité dépasse nos rêves. C'est parti. D'accord, ok. D'accord, ok. C'est parti. J'suis une ghoul de ville, yeah. J'suis une rockstar, yeah. J'vais pas rester tranquille, yeah. Vos yeux ne pourront pas y croire. J'suis une ghoul de ville, au pas de charge. Scouchita, Scouchita. On va séduire la ville de long en large. J'veux tout le monde m'aime, j'ai l'âme d'une reine. J'en vaut la peine, vous avez de la veine. Venez, écoulez-moi, on va mettre le feu et enflammer la scène, personne ne fera mieux. Écoulez-moi, on sera sans trêve pour que la réalité dépasse nos rêves. C'est parti. J'suis une ghoul de ville, yeah, yeah. J'suis une rockstar, yeah, yeah. C'est parti. J'vais pas rester tranquille, yeah, yeah. Vos yeux ne pourront pas y croire. J'suis une ghoul de ville. C'est ça la vie. Profiter de la vie en ville. Oui, c'est ça la vie. Profiter de la vie en ville. D'accord, ok. D'accord, ok. C'est parti. J'suis une ghoul de ville, yeah, yeah. J'suis une rockstar, yeah, yeah. C'est parti. J'vais pas rester tranquille, yeah, yeah. Vos yeux ne pourront pas y croire. J'suis une ghoul de ville.